Après, elle mangeait quand ça lui chantait, quand ça lui plaisait, quoi. Et puis maintenant, c'est ce qu'elle fait. Mais elle sort pas, elle restait enfermée. Ah oui, là, je suis en appartement, donc oui. Ah oui, non, elle n'allait pas bouffer des souris en cachette.